Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose de très, très sérieux parce que il faut qu'on étudie la façon dont on va se déconfiner après ce coronavirus. Donc, Covid-19, le point sur la situation. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, je vais de nouveau faire appel au sens du devoir et ces notions de solidarité et de transformation radicale de la société qui sont si chères à notre pays. Une nouvelle fois, j'ai fait appel aux plus hautes sommités scientifiques de ce pays qui ont évidemment répondu présent avec un énorme élan de générosité absolue. Et ce sont les spécialistes du langage qui ont trouvé la solution. Le virus se transmet par les postillons, micro-gouttelettes projetées par un éternuement, une toux ou tout simplement lors d'une conversation. Les voyelles sont totalement innocentes, alors que plus de la moitié des consonnes sont engagées dans le processus. Ce sont elles les coupables. C'est là qu'interviennent les spécialistes du langage. Les conclusions de cette étude sont claires et résident dans l'application d'un plan de révision phonétique étalé sur 4 semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives, également appelées à juste titre explosives, ainsi que certaines fricatives. Donc, semaine 1. Nous allons dans un premier temps supprimer les occlusives labiales pe et be au profit de la nasale me. Conséquence. Mrais de 70 mourcents de moustillons sont éliminés et de plus, on me constate qu'ainsi la diction gagne beaucoup en soumlesse. Semaine 2. C'est au tour des occlusives dentales, de et te, remplacées par la nasale ne. C'est un me plus difficile. Il faudra un certain nom, mour s'y aminuer. Mais une semaine devrait suffire. Semaine 3. Les dernières occlusives nismareneront, à savoir les velaires que sont les sons que et gue, nur, comme nan gaga, remlalcé mar la nasale gne. Nous obtiendrons alors un langage monu mus seigneurisé. Ni ne vrai mermen ne rénuire la distance marrière à Nyarvanouz centimètre. Semaine 4. Pour finir, la mesure la plus rasnigme nionsis ne ra à éliminer le nroum ne frignaniv nioniu feu ve ce ze et né frignanive chuinande je et che au niel remimura la rignanir rimran re. C'est cerne un me nernigne, mais nous obtiendrons alors une union n'une ruinine ramée et nialée. N'ignora l'araignée ne mei rogno ron. Rire la rémumligne, rire la rance. Eh bien voilà, voilà. J'espère qu'ils se contrediront dans les jours qui suivent, que je puisse lire mes histoires sans changer les consonnes. Allez, à tout bientôt sur Radio Gémozo.